Sarah chante Bessie, la grande impératrice des ghettos qui rugissent et creva à Memphis d'un chauffard sans merci. Ses blues étaient l'orage. Ses blues étaient l'orage. D'un siècle d'esclavage, elle chantait aussi toute souffrance humaine, chantait à perdre haleine l'amour et le messie. Sarah chante à claquer comme chantait Billy, qui mourut dans un lit de stupeur, mélancolie et alcool trafiqué. Mais Lady sings the blues. Mais Lady sings the blues. Et ses malheurs l'épouse, c'est la vie, ma jolie, viol et prostitution, swing et ségrégation. Pour ton âme jalouse, allez. Sarah chante Gershwin comme chantait Ella. Quand Satchmo était là, son rire jamais là, et sa lèvre aubergine. Et puis fermé sur son lit, chante encore poupée, sur des jambes coupées, chante, chante, et t'endors. Chanter la vie, l'amour, body and soul. Car libre était saoul, le corps comme la houle, et la vie n'a souri qu'en baiser qui sourit, qu'en baiser qui sourit. Sur un ring, le stat qui se déroule, la vie à petits pas, un ultime combat, et la mort qui sonne. Lady, lady, allez, allez, chante le blues.